Bienvenue à Mélomanes sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en ce 16 octobre 2019. Très content de vous retrouver ce soir, fort de notre Mélomanes Blues la semaine passée. Rendu là, vous avez sûrement compris le pattern. Après un spécial, on revient s'installer bien confortablement dans nos pantoufles d'un bon vieux varié format classique, mais on entend par là bien sûr que ça peut tirer dans toutes les directions, et c'est particulièrement vrai ce soir, assez éclaté, très éclectique et peut-être un petit peu plus obscur par moment, mais ça veut dire de belles découvertes en vue. Et justement, sans plus tarder, on va y aller de ce qui risque d'être probablement une découverte, tiré d'un album qui est passé quelque peu sous le radar en 1968. On va quand même excuser les gens de l'époque. Disons qu'on devait plus savoir où mettre la tête en 1968, tellement il y avait des bons albums qui sortaient. Mais bref, quand même un album que les fans de cette époque-là ont redécouvert avec bonheur quelques années plus tard. Seul album pour le groupe, d'ailleurs, un des multiples projets d'un illuminé du nom de Kurt Boecher. Un gars qui, dit-on, serait pas étranger au fait que Brian Wilson des Beach Boys abandonne la musique surf pour faire son fameux chef-d'œuvre Pet Sounds. C'est quand même pas rien. Kurt Boecher, qui est aussi connu pour ses affiliations avec The Association, The Ballroom et Sagittarius, tous des groupes qui valent vraiment la peine d'être découverts, aussi obscurs que ça puisse paraître. Mais là, on écoute la première pièce de leur seul opus, avec un beat de drum assez lourd qui pourrait faire l'affaire sur une track de gangster rap. On écoute The Millennium, tout ça au 99.1 et 88.9 CFNJ. Just want me to you for a while.

au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Je suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Et toujours en plein mélomane ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1 et 88.9 avec nul autre que la belle Françoise Hardy qu'on vient d'entendre avec mon ami la rose 1964. Et ses accents au parfum d'Andalousie, qui suivait évidemment de manière tout à fait inattendue une pièce un peu plus musclée d'un groupe légendaire qui vient de pas très loin d'ici, de Toronto, pour être plus précis, le groupe Rush, qu'on a entendu en tout début de carrière, deuxième album en fait, mais le premier où leur son va se cristalliser, disons, premier album aussi où le fameux batteur virtuose Neil Peart arrive. Évidemment, la section rythmique va en prendre pour son rhume, mais c'est aussi Neil Peart qui, à partir de ce moment-là, va écrire toutes les paroles des chansons de Rush, qui va aussi élaborer tout ce qui est concept à venir et donc qui va faire prendre une tangente un peu plus progressive au groupe. On pense à des albums concept comme 2112 un peu plus tard. Quoique déjà sur cet album-là, on pouvait déjà retrouver des longues suites comme By Thor and the Snow Dog, mais nous, c'est And Them qu'on a entendu tirer de l'album Fly By Night 1975, une pièce qui tire son nom de la nouvelle de science-fiction du même nom, évidemment de l'autrice Ayn Rand, qui va longtemps fasciner le groupe. D'ailleurs, leur étiquette de disque à partir de 1977 va s'appeler justement And Them Records. Et sinon, juste avant ça, encore un détour, cette fois-ci, dans le post-punk slash goth rock de The Cure, du vieux The Cure, avec leur classique A Forest en 1980, l'excellent album 17 Seconds, qui, on pourrait dire, fait partie d'une espèce de trilogie avec les albums Faith et Pornography, juste avant que les choses, comment dire, ne s'adoucissent pour devenir un peu plus pop. Le problème, c'est que Robert Smith va s'avérer être un maître du pop aussi. Donc, The Cure, un groupe à ne pas négliger quand même. Et sinon, ben encore une fois, détour, je vous dis, ça break sec par moment ce soir. On a entendu une légende brésilienne qu'on a malheureusement perdue cet été. J'ai nommé ce cher João Gilberto avec Felicidade, chanson qui passe de la samba batucada traditionnelle à la fameuse bossa nova, qui à ce moment-là est le nouveau style en vogue qui va se faire entendre de par le monde. D'ailleurs, bossa nova qui veut grosso modo dire la nouvelle tendance. Et cette pièce-là en particulier, Felicidade, composition des éternels Antonio Carlos Jobim et Vinicius de Moraes, qui va ouvrir le fameux film Black Orpheus de 1958, espèce de film ambassadeur, ou comme dirait Gainsbourg, s'ambassadeur de la bossa nova, qui va aussi nous donner la sublime Mania de Carnaval de Luis Bonfa, qu'on écoutera assurément l'émission NCK. Et tout ça amorcé par le groupe The Millennium avec Prelude, suivi de To Claudia on Thursday, petite obscurité de 1968. Et nous, ben, on y retourne avec quelque chose qui a un petit côté bluesy, un petit clin d'œil à la semaine passée. Ben, c'est normal, parce que le groupe en question avait commencé par jouer du blues en s'appelant Earth, avant de devenir des mauvais garçons. Je vous laisse deviner c'est qui. On est toujours au 99.1. Et 88.9. CFNJ. Take your drink to the end of the bar, buddy, let her stay there. Now don't be a fool, I'd as soon have a hot seat in Sing Sing prison than to sit down by her on that stool. What's that you say? I guess you're right, it's nothing to me. See that man, she belongs to him. Buddy, better drink up and go while you can. I can tell by the way he looks at you, buddy, that he's sure a quick-tempered, jealous man. What's that you say? I guess you're right, it's nothing to me. There you are, stretched out on the floor, buddy, now you see what you made him do. Here they come to take him off to jail, buddy, and tomorrow someone will bury you. Oh well, that's life, or it was, it's nothing to me. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Would you believe me when I tell you you're the king of my dreams? Please don't deceive me when I hurt you, it just ain't the way you see. Can't you hear my love buzz? Can't you hear my love buzz? Can't you hear my love buzz? I need you like a desert needs rain. I would travel like to die. When I don't see you, so spread your wings and fly. Can't you hear my love buzz? Can't you hear my love buzz? Can't you hear my love buzz? Me when I hurt you.

tu es sorti d'une fable pour venir habiter mon rêve. Et ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Oui, ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Avais-tu dit que c'était pour être disparate ce soir? Ben oui, c'est comme ça, Mélomane, toujours au 99.1 et 88.9 CFNJ avec Salvatore Adamo, qu'on vient d'entendre avec son gros hit de 1965, Mes mains sur tes hanches, qui suivait à merveille un petit détour vers le surf rock, la vague brève, du surf rock déferlé sur les années 60, 1964 pour être plus précis, avec quelque chose d'un petit peu plus obscur, The Creations avec la pièce Crash, qui suivait une chanson que plusieurs ont sûrement connue dans sa version par Nirvana, en fait tout premier single pour le Nirvana de Kurt Cobain, qui va se retrouver sur l'album Bleach en 1989. Mais là, c'est en version originale qu'on l'a entendu avec le groupe néerlandais, donc des Pays-Bas, Shocking Blue avec Love Buzz en 1969. Shocking Blue qui est pas mal plus connu qu'on pense parce qu'ils vont aussi avoir un gros succès avec Venus la même année. Chanson qui, encore une fois, va redevenir un gros succès avec Bananarama en 1986. Et Pour la nuit des temps dans les annonces de rasoirs féminins. Un petit détour country all à loi aussi ce soir avec Sanford Clark qui œuvrait aussi dans le domaine du rockabilly, connu pour sa chanson The Fool. Mais là, c'est en 1966 qu'on l'a entendu avec It's Nothing to Me qui suivait. Mais quel reversement, revirement de situation, mesdames et messieurs. Un gros détour bien senti et aucunement justifié vers l'Eurodance des années 90 avec le gros classique du genre Rhythm is a Dancer pour les Allemands de Snap en 1992. Pourquoi pas? Tout ça amorcé par nul autre que Black Sabbath sur leur premier album Black Sabbath. Éponyme de 1970 avec The Wizard. Et là, on y va avec deux, trois trucs que vous connaissez bien quand même, qui seront suivis de quelques découvertes. Et ce, toujours sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ.

the tears from your eyes. Feel alright. baby. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Cette nuit, dans la Nosière, minimum de 5 à 6 degrés. Pluie parfois forte, jeudi jusqu'à 25 mm de précipitation. Maximum de 7 à 8 degrés et nuageux pour vendredi, maximum de 6 à 11 degrés. CFNJ 89.1 88.9. Et toujours à Mélomane avec une belle reprise de cet air-là, chanson originellement popularisée par cette chère France Gall en 1966, mais là, c'est en 1995 qu'on l'a entendu par April March, une Américaine francophile. Et oui, ça existe, April March, qui va se spécialiser, entre autres, dans des reprises de ses artistes français préférés, Gainsbourg et compagnie, et qui, tout à coup, va connaître un succès inattendu grâce à sa reprise anglophone de « Laisse tomber les filles », Chick Habit, composition de Gainsbourg popularisée par France Gall, justement, qui va apparaître dans le film Death Proof de Quentin Tarantino et qui va redevenir au goût du jour. Ça sera pas la première ni la dernière fois que ça va arriver avec Tarantino, qui a quand même le don de nous déterrer des petites obscurités et d'en faire, des faire découvrir à une plus jeune génération. C'est certainement pas moi qui vais l'en blâmer. Et parlant d'obscurité, on a entendu juste avant Darondo avec The Wolf de 1972. Darondo, qui était un artiste soul et funk de la Bay Area de San Francisco, des rumeurs qui couraient à son propos, comme quoi il aurait été un pimp. Mais même si le monsieur en question a toujours nié ces graves allégations, mais bref, il va redevenir lui aussi un au goût du jour grâce à son inclusion de, en fait, l'inclusion de sa chanson Deny dans la série Breaking Bad, si je ne m'abuse. Mais nous, on a été creuser un peu plus loin encore avec The Wolf, qui suivait une magnifique reprise du gros hit des Guess Who, These Eyes, par le Jamaïcain Stranger Cole en 1971. Et parlant de reprise, on en a entendu une belle de And I Love Her, des Beatles, mais que vous avez sûrement connu d'ailleurs, mais dans une perspective féminine, donc And I Love Him, par Esther Phillips en 1965. Et les deux autres, ben, pas besoin de présentation, des gros hits, les Beach Boys avec leur seul numéro 1 en pleine Beatlemania avec I Get Around en 64. Et les Stones avec Honky Tonk Woman en 1969. Et c'est drôle, on parlait à l'instant des Beatles. Eh bien, en voici encore une fois une version musclée, esthétique, grunge oblige. On écoute Soundgarden. Au 99.1 et 88.9, CFNJ. Sat on their park bench like bookends. A newspaper blown through the grass falls on the round toes of the high shoes of the old friends. Old friends, winter companions, the old men lost in their overcoats, waiting for the sunset. The sounds of the city sifting through trees settle like dust on the shoulders of the old friend. Can you imagine us years from today, sharing a port bench quietly? How terribly strange to be 17. Old friends, memory brushes the same years, silently sharing the same. Laughter, conceit. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Thank you.

Let him shout a rage so strong, a rage that knows no right or wrong. And take a little piece of you. There is no middle ground, or that's how it seems, for us to walk or to take. Instead we tumble down either side, left or right, to love or to hate. Toujours à Mélomane en ce mercredi sur les ondes de CFNJ 99.1 et 88.9 avec une magnifique, magnifique chanson de Peter Murphy, jadis de la formation Bauhaus, groupe phare du sous-genre du post-punk, qui est le goth rock en fait, qu'on a évoqué tantôt avec The Cure. Mais là, c'est en version solo qu'on a entendu Peter Murphy avec sa voix profonde, avec A Strange Kind of Love de 1989. Très belle chanson acoustique qui suivait Ain't No Love in the Heart of the City, une chanson qui a été popularisée aussi par Whitesnake en 1978. Mais évidemment, encore une fois, c'est en version originale qu'on a entendu ici avec Bobby Bland, un gars qu'on a entendu la semaine passée dans notre Méloman Blues. Et il y a une raison à ça. Bobby Bland est un gars qui a œuvré autant dans les domaines du soul que du R&B et du blues. Là, on était plus du côté R&B et soul que la semaine passée. Et sinon, juste avant, un gars qui gagne vraiment à être connu, un iconoclaste comme il y en a juste un par génération, Herbie Nichols, gravement méconnu dans le monde du jazz, un hurluberlu de la trempe de Thelonious Monk, qui a pourtant enregistré sur l'étiquette prestigieuse Blue Note avec des gros noms comme Art Blakey, mais qui est passé totalement sous le radar, malheureusement, encore une fois, cruellement méconnu dans le monde du jazz et qui pourtant a des compositions, incroyablement originales, surtout pour le temps. On a entendu 2300 Skidoo de 1955. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est génial. Je le conseille fortement pour les amateurs de jazz. Wendy Rennie, qu'on a entendu aussi du côté plus soul des choses, étiquette Stax de Memphis, dont je vous ai abondamment parlé, avec son plus gros hit en carrière, After Laughter Comes Tears de 1964. Un air qu'une autre génération aura peut-être connu grâce au Wu-Tang Clan sur leur pièce Tears quelques 30 ans plus tard. D'ailleurs, personnellement, je m'attends tout le temps qu'il y ait un gros beat rap qui va partir après l'intro. Comme quoi, le rap peut parfois nous amener à découvrir plein de trucs. Un beat gracieuseté de Reza dans le cas du Wu-Tang Clan. Et sinon, complètement autre chose avec un doublé Simon & Garfunkel en 1968, la magnifique Old Friends, suivi de la reprise de Bookends Team. Bookends qui va donner son nom à un de leurs meilleurs albums. D'ailleurs, le tout amorcé par Come Together version Soundgarden en 1990. Et nous, ben, le temps se fait court, donc on y retourne sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ.

Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Didn't I shake sugary? Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. Have a little secret I ain't gonna tell. I'm going to heaven in a ground pea shell. Oh, lot of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. Pawn my farm, pawn my plow, pawn everything, even pawn my old cow. Oh, lot of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. Pawn my hat, pawn my shoes, pawn everything that I could use. Oh, lot of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. Have a little secret I ain't gonna tell. I'm going to heaven and I ain't gonna. Oh, lot of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. Chew my tobacco, spit my juice. Would raise cane, but it ain't a bit of use. Oh, lot of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. Everything I got is done in pawn. Et toujours sur les ondes de CFNJ 99.1 et 88.9 en plein mélomane avec une belle chanson qu'on vient d'entendre d'Elizabeth Cotton, une matriarche du blues et du folk américain, véritable relique qui avait son style bien à elle à la guitare complètement autodidacte et qui jouait à l'envers étant gauchère. Les grosses cordes en bas, les petites cordes en haut, ce qui est pas sans nous faire penser à un certain Jimi Hendrix, entre autres. Madame Cotton, décédée à l'âge de 94 ans en 1987, ça vous donne une idée, qu'on a entendu ici avec la petite voix de sa petite fille, Brenda Joyce Evans, à l'âge de 12 ans, avec Shake Sugary en 1967, de Brenda qui va plus tard faire partie du groupe Undisputed Truth signé chez Motown. Et sinon, on était dans le roots, pas mal, country, folk, bluegrass. On a entendu les Eagles en 1973 avec l'instrumental Doolin Dalton au banjo suivi de Outlaw Man, composition de David Blue. Un gars issu de la fameuse vague de folk de New York, Greenwich Village, dans laquelle on pouvait aussi retrouver des Phil Ochs et des Bob Dylan. Et juste avant, le fameux Dueling Banjos de 1972 avec Eric Weisberg et Steve Mandel, tiré du film Deliverance. Par contre, c'était une composition inspirée de Feudin' Banjos du grand Arthur Smith, qui les a d'ailleurs poursuivis parce qu'il avait utilisé sa pièce sans permission. Et Arthur Smith, ben c'est justement lui qu'on a entendu juste avant, compositeur du célèbre Guitar Boogie. Et bien là, c'est la version mandoline qu'on a entendue en 1950, Mandolin Boogie. Et c'est là-dessus qu'on se laisse, chers amis, pour cette semaine. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 20h. Et on vient de parler de la petite fille de Madame Cotton, Brenda Joyce Evans. Eh bien, on l'écoute avec son groupe en 1971, The Undisputed Truth, au 99.1 CFNJ. OK, bye! Pretend to be your friend, smiling face. faces show no traces of the evil that lurks within. Smiling faces, sometimes they don't tell the truth. Smiling faces, tell lies, and I got proof. Oh Lord, yeah. Let me tell you, the truth is in my eyes, 'cause the eyes don't lie. Sometimes they don't tell the truth. Smiling faces tell lies, and I've got proof. Beware of the handshake that hides the snake. I'm telling you, beware of the pat on the back. It just sometimes, hey, they don't tell the truth. Smiling faces tell lies, and I got proof. Hey, your enemy won't do you no harm, 'cause you know where he's coming from. Don't let the handshake and the smile fool you. Sometimes